chi na rien fait. Mon termine ce petit cadeau. Ce petit saut dans mon licou. Ce dieu moi chérie tout gentil. Mais pour moi ça fait moi plaisir. En même temps tu n'as l'émotion. Si mon gâte pas la nature, je connais pas moi qui la faut. À chaque fois quand tu n'as rien fait, moi termine ce petit cadeau. Ce petit saut dans mon licou. Ce dieu moi chérie tout gentil. Mais pour moi ça fait moi plaisir. En même temps tu n'as l'émotion. Si mon gâte pas la nature, je connais pas moi qui la faut. À chaque fois que tu n'as rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. À chaque fois que tu n'as rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. Si les patins t'il enveloppe, donnez-moi les points bambino. À chaque fois que tu n'as rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. À chaque fois que tu n'as rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. Si les patins t'il enveloppe, donnez-moi les points bambino. Tina Zosline, Tina Zaclin, Tina Céline. Zo kweno fini en ligne. Tena Leila, Tena Samantha, Tena Zovana, get zot ka fini en ta. A chaque fois que t'es na rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. A chaque fois que t'es na rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. Si li pa tienne ti l'enveloppe, donnez-moi les points bambino. A chaque fois que t'es na rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. À chaque fois que tu n'as rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. Si les patins t'il enveloppe, donnez-moi les points bambino. Tina Zosline, Tina Zaclin, Tina Céline, zo kweno fini en ligne. Tina Leila, Tina Samantha, Tina Zovana, get zo ka fini en ta. Moi bébé, Zaline t'appelle moi gâté, Céline t'appelle moi doudou, Leila t'appelle moi loulou, Samantha t'appelle moi la crème, Zovana t'appelle moi chérie, mais moi pour finir aux autres, je tout m'appelle ce chouchou. Une fois mon petit côté Leila, mon petit blesse ce petit maillot, les petits traites moi petit salaud, les diens moi deux hommes au pareil, pas mes tout dans rien c'est le panier, quand ça gagne une indifférence. Si mon gâte est pas la nature, je connais pas moi qui la faut. Tina Zosline, Tina Zacline, Tina Céline, je connais nos fini en ligne. Tina Leila, Tina Samantha, Tina Zovana, get zot ka fini en ta. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. Si les patins t'y l'enveloppe, donnez-moi les points bambino. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. A chaque fois que tu n'as rien fait, moi t'amène cadeau pour zo. Si les patins t'y l'enveloppe, donnez-moi les points bambino. Tina Zosline, Tina Zacline, Tina Céline, zo kweno fini en ligne. Tina Leila, Tina Samantha, Tina Zovana, get zot ka fini en ta. Tina Zosline, Tina Zacline, Tina Céline, zo kweno fini en ligne. Tina Leila, Tina Samantha, Tina Zovana, get zot ka fini en ta.